Tu pars en vacances ? Oui. Tu pars comment ? En voiture. En voiture ? Très loin. Et t'aimes bien ? Oui. J'aime pas trop. Qu'est-ce que tu fais quand t'es dans la voiture ? J'écoute la musique. Youpi, youpi, c'est les grandes vacances. C'est parti pour 2 mois, je chante, je suis heureux. Youpi, youpi, nous partons en vacances. Mais longue est la distance entre nous et le ciel bleu. Bientôt je serai au bord de la mer. Avec ma soeur, mon chien, mes parents et ma grand-mère. 12 heures de voyage sans pouvoir faire dodo. Je demande à papa d'allumer l'autoradio. Papa, tu mets l'autoradio? Voilà les bouchons, c'est parti pour des heures. Je suis coincé pour de bon entre mamie et ma sœur. Le chien tire la langue et a une drôle de tête. Je crois qu'il va vomir. Ah, c'est déjà fait en fait. Papa, j'ai envie de faire pipi depuis plus d'une heure. Alors papa me dit, bah on est parti un quart d'heure. Ma petite sœur a vomi, écœurée par l'odeur. Quant à la radio, y'a un truc nul du genre techno. Papa, plus fort s'il te plaît. S'arrête enfin, je vais pouvoir faire pipi et puis courir un peu. Maman me demande si j'ai un peu faim. Je lui dis non merci, donne au chien si tu veux. Non ! Plus que 72 km avant d'être à la plage, les crabes et les crevettes.